c'est bien beau dans le micro d'aligner des rimes. Préviens les victimes. Dehors, y'a plus de roro, c'est un peu à cause de Clearstream. Mais que fais-tu, peuple? Tu baisses les bras, tu laisses l'État se faire niquer, c'est ça. Comme si t'y croyais pas, comme si t'y croyais plus. C'est la fin de la démocratie, un peu à cause de toi. Pourtant, le peuple cloue au sol. Le peuple s'enlise. Mais la force est en lui, non seulement moi j'y crois, mais y'a des sages qui le disent. Malgré ça, le peuple s'enlise. Il reste cloué au sol. Dis-moi, faudra-t-il libérer le peuple pour qu'il décolle? Sidérer les masses pour qu'elles s'affolent? Réparer nos âmes à coups de bricoles? On rafistole. Et tu te demandes pourquoi des tonnes de gars se noient dans l'alcool, s'envoient des drogues dures, se font péter la cervelle. Viens voir, c'est dur d'assumer le réel. Et sous mon canapé, à chaque jour passé, aussi vrai que tu devrais t'aider. Pour chaque million brassé, mais perdre espoir, c'est facile. Comme regarder les infos, avec du pouvoir d'esquiver les impôts. Pour moi, piquer des impros. Mais ça m'étonne, même si je sais qu'on se ment les uns les autres, je sais qu'on fait les faux. Est-ce que tu crois que ça vaut la peine de finir aux infos? Fou dans la foule, shootant à coups de douze à cause du blues et par le manque du bon vieux temps. Non mais tu t'entends, ton vécu plan plan. On met sur tant de gens et ta sale manière d'être. On déçut franchement, on est plus sanglant. On met plus de gants blancs pour servir ses maîtres, non. On fait plus semblant, oui missier, oui missier. Mon début grandement, je vais m'immiscer, je suis initié. Fondé du rendement, qui sait, et tissé de l'affront et du changement dans ce plan, mais glisser.